On a reçu 13 nouvelles entrées des deux côtés cette semaine. Mais oui, mais si on en reçoit 13, Mathieu, ça veut dire qu'il faut dire au revoir à 13 autres. Et on appellerait ça comment, ce bloc-là? Palmer's in Peace. Just now. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis les précédentes éditions. Et ouais. Comment on dit ça? Qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 25 août au 7 septembre 2014. En effet, Mathieu, on a commencé avec la formation Octoplot, noir foncé, 5 semaines. Ensuite, Pendant les Lions et Tunes de Chasse, 6 semaines. Caravane avec la chanson Minuit, 7 semaines. Calerie Cudon et notre propre roulette russe, 7 semaines. Canaille avec un tout qu'un marathon qui a duré 7 semaines. C'est le nom de la chanson. Marathon. Fontarabie avec Forcé ou quitter. Il s'est forcé à quitter. 9 semaines. Ah, wow, c'est fucked up. Donc, c'était le prochain groupe, fucked up. Sunglass avec 4 semaines, un maigre 4 semaines. Pascal Picard. Et on a aussi très court Runaway 4 semaines. Et on a continué avec Bad Not Good, Can Leave the Night 6 semaines. Beef Donut a mangé sa dernière note. Fall Like This avec 7 semaines. On essaye de faire des liens. Là. Oui, c'est ça, on essaye, comme ça, brûle pour point. Et on a continué avec Owen Palette, Song for 5 and 6, 5 semaines. The Pretty Reckless, c'est le record de la semaine. Going to Hell qui a duré 9 semaines. Oui, et un autre record avec The Stripes, avec You Can Judge a Book by the Cover. D'ailleurs, The Stripes, The Pretty Reckless, ainsi que s'il y en a d'autres, je crois, Carl et Récudon, Caravan, sont tous de retour dans les palmarès cette semaine. C'est 13 pièces auxquelles on a dit au revoir. Et d'ailleurs, c'était les dernières pièces de l'été. On a pas mal débarrassé le plancher d'à peu près tout ce qu'il y avait dans la publicité des palmarès cet été. Donc, voilà, c'est fait que You Can't Judge a Book by the Cover était dans le montage des palmarès.